Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, il s'agit d'un MAG reportage qui vous emmène au cœur de la Passerelle, centre socio-culturel basé à Montlouis-sur-Loire. Un lieu plein de vie où petits et grands se retrouvent pour s'exprimer, bouger, créer et surtout partager. Pour découvrir ces ateliers qui dynamisent un large public sur l'Est Tourangeau, nous avons rencontré Andrea Samuele, référente des ateliers socioculturels, mais également chargée de communication et d'accueil. Elle nous a ouvert les portes de ce lieu chaleureux et présenté deux intervenantes passionnées, Valérie Duval, professeure de Zumba pour enfants et adultes, et Elsa Maupeux, professeure de théâtre pour enfants et de ciné-théâtre pour ados. Leur témoignage nous plonge dans les coulisses de ces ateliers où se mêlent énergie, créativité et apprentissage. Alors comment transmettent-elles leur passion? Qu'apportent ces moments aux participants? Elles nous racontent tout, tout de suite, sur Radioactive. Andrea Samuele, vous êtes référente des ateliers socioculturels au Centre socioculturel de la Passerelle à Montlouis, également chargée de communication et d'accueil. Bonjour Andrea. Bonjour, oui c'est ça du coup, je suis multicasquette à la Passerelle. Alors ça consiste en quoi par exemple si on prend ce premier item qui est référente des ateliers socioculturels? Aujourd'hui vous m'avez mis en lien avec plusieurs intervenantes qu'on va écouter par la suite. Ça consiste en quoi justement? Tout au long de l'année c'est justement faire le lien entre les adhérents, les intervenants qui proposent les ateliers, la passerelle en général, le côté inscription justement pour ces ateliers, gérer les absences de certains adhérents, des intervenants, diffuser les mails, tout ça. Après il y a aussi tout ce qui est en fin d'année plutôt spectacle de danse ou représentation de fin d'année pour d'autres ateliers. Donc il y a tout ce volet aussi organisation sur les événements. Et alors d'une saison à l'autre, comment ça se décide quel atelier va être renouvelé, quel atelier va entrer dans votre programmation, lesquels vont sortir? Est-ce que ça se réfléchit en équipe? C'est vous qui coordonnez tout ça? Alors en général déjà on propose du coup à ceux qui sont déjà présents sur la saison s'ils veulent continuer ou non. Ensuite, savoir aussi s'ils veulent proposer de nouveaux créneaux ou de nouveaux ateliers. On sonde un peu aussi les adhérents, savoir un peu leurs attentes. Ça veut dire qu'au cours de l'année, il y a des personnes qui peuvent venir vous voir en vous disant « Moi, l'année prochaine, j'aimerais bien faire du street art » ou des choses comme ça. Et vous prenez note? Ou alors est-ce que c'est par exemple des petites boîtes à idées posées dans un coin? Alors il y a ça, il y a les personnes du coup qui nous font des retours d'elles-mêmes. Boîte à idées, on n'a pas encore essayé, mais sinon c'est plutôt questionnaire qu'on diffuse en ligne ou par mail. Et du coup, après, justement, selon les retours, on essaie de trouver de nouveaux intervenants, trouver aussi de nouveaux créneaux. Parce que la plupart des ateliers, ils ont lieu dans les murs même de la passerelle? Alors, il y en a à la passerelle. Il y en a aussi beaucoup au gymnase Léo Lagrange et à la salle de danse de Montlouis. Qui sont pas très loin, qu'on peut aisément faire à pied. Tout à fait. Ça représente combien d'ateliers à peu près sur une programmation? Environ une vingtaine d'ateliers, mais une trentaine de créneaux. Parce que par exemple, pour le Pilates, il y a un atelier, mais c'est un créneau débutant, un créneau initié. Est-ce qu'il y a des adhérents qui pratiquent plusieurs activités? Ah oui. Par exemple, des adultes qui ont plusieurs activités. Et il y a aussi du coup des familles où donc, il y a les enfants qui participent à un atelier, les parents qui font un autre atelier. Ça arrive, du coup, on a plusieurs familles d'inscrites sur l'année. Et alors, pour valoriser tout ça, vous êtes aussi chargée de communication. Donc, je sais que vous avez la lourde tâche de, notamment, rédiger la newsletter. Oui, c'est ça. Il y a tout ce qui est réseaux sociaux, site internet, la newsletter en fait partie. Il y a tout ce qui est réalisation de visuels. Tout ça, c'est vous aussi? Oui, c'est moi aussi. Wow. Et puis, cerise sur le gâteau, la partie accueil. C'est ça. Du coup, la partie accueil, donc on est en binôme. On alterne de temps en temps. Mais du coup, c'est tout ce qui est prise d'inscription pour les ateliers, mais aussi pour le côté enfance-jeunesse. Renseigner les habitants, orienter aussi quand il y a besoin, l'accueil en général pour tous les secteurs. Voilà, donc Andrea est l'un des premiers sourires que vous verrez en passant la porte de la passerelle 14 avenue Appenweier, juste en face du gymnase Léo Lagrange, et où vous pourrez trouver votre bonheur parce que des ateliers, il y en a plein. Il y a plein de créneaux, plein de possibilités et des tarifs adaptés également. Oui, c'est ça. Donc il y a les forfaits basiques en fonction de là où vous habitez. Donc pour tous ceux qui sont de la communauté de communes, donc Montlouis, Véretz, Larçay, Azay, sur Cher. Donc là, il y a les forfaits basiques. Et alors après, pour les personnes hors commune, il y a une majoration. Mais le règlement est possible jusqu'en 3 fois pour certains ateliers et 10 fois pour d'autres. Et après, s'il y a plusieurs ateliers dans une même famille, sur la deuxième activité, il y a une réduction qui est appliquée, pareil pour la troisième, etc. Ok, merci beaucoup Andrea. Comment on fait pour rentrer en contact avec vous ? Alors, soit par mail ou directement auprès de l'accueil, donc au numéro de l'accueil. Donc soit ce sera moi ou soit ce sera Pauline, mais on pourra répondre à vos questions. 02 47 45 12 29. Merci beaucoup. Eh ben, on va maintenant aller voir du côté de Valérie Duval, qui est intervenante sur la Zumba Kids et adultes. Et puis juste après, on pourra dialoguer avec Elsa Maupeu, qui elle s'occupe du théâtre enfant et cinéma théâtre ado. Merci beaucoup Andrea. Merci à vous, bonne journée. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Eh bien oui, je m'appelle Valérie, je suis animatrice sportive, activité de la forme et donc fitness. En fait, je fais des interventions, je fais de la gym douce, de la gym tonique, du renfo, du pilates, de la zumba, dans différentes structures. Alors là, en l'occurrence, on va plutôt parler de la zumba. Alors, depuis combien de temps vous pratiquez la zumba et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir intervenante, Valérie ? En fait, je ne fais pas de sport depuis si longtemps que ça. Quand j'étais jeune, je faisais pas de sport. J'ai fait du sport après avoir eu mes enfants. Et du coup, je fais de la Zumba depuis plus de 10 ans. Et à un moment de ma vie, j'ai eu envie de faire une reconversion professionnelle. Et comme dans la vie, j'ai toujours conjugué profession, plaisir et épanouissement, et bien logiquement, j'ai eu envie de devenir animatrice sportive. Donc, la Zumba. La base, c'est vraiment la Zumba parce que je faisais du sport et de la danse. Et comme la Zumba regroupe les deux, plaisir et sport, eh ben, mon épanouissement, il était là. Ce qu'il y a de bien dans ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas obligé d'être sportif dans l'âme pour démarrer une activité physique. Bah carrément. Et le sport, on peut commencer à faire du sport à tout âge. Il y a des gens qui commencent à faire du sport à 60 ans, à la retraite. Ils n'en ont jamais fait avant. Et en fait, c'est pas pour ça qu'ils sont pas forts en plus. Parfois, j'ai des personnes en gym douce, j'ai l'impression qu'elles ont fait du sport toute leur vie. Eh bien non. Et voilà, le sport n'a pas d'âge. Alors la Zumba, on l'a évoqué à plusieurs reprises depuis le début de notre entretien. Qu'est-ce que c'est que cette discipline-là ? La Zumba, bah, comme j'ai dit, c'est un mélange de danse et de sport. Dans le sport, ça fait partie de la catégorie des cours cardio intenses. Donc, c'est le cardio, c'est l'endurance, c'est le renfo musculaire, c'est la coordination. Là, on est dans des termes sportifs. Mais forcément, ça se fait sur de la musique et c'est de la danse. Donc, il y a des pas de danse. Mais en fait, la différence avec la danse, c'est qu'on n'exige pas de technique. Quand on ne sait pas faire un pas, c'est pas grave. On fait de son mieux, on s'amuse. C'est ça qu'on cherche. C'est à bouger en s'amusant. Alors, vous avez évoqué un point important, c'est le mot intense, cardio intense. Est-ce que ça veut dire que quand on est un petit peu fragile physiquement, c'est pas recommandé de pratiquer la Zumba ? J'ai presque envie de dire au contraire, parce que justement, ça va aller le travailler. Le sport, de façon générale, c'est des bienfaits sur le corps. Ça améliore les points faibles, ou ça augmente certaines parties du corps qu'on a envie de travailler. Donc non. Et puis... Dans tous les sports, c'est le pratiquant qui met l'intensité qu'il a envie ou qu'il peut. Chacun a ses capacités et chacun fait de son mieux. Quelqu'un qui bouge sans trop transpirer, c'est pas pour ça qu'elle ne donne pas le meilleur d'elle-même. C'est intense, mais c'est le pratiquant ou la pratiquante, parce qu'on a beaucoup plus de femmes que d'hommes, hein, ça c'est sûr, c'est plutôt la pratiquante qui décide de se donner à fond ou pas. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule une séance ? Est-ce que par exemple, il y a une différence entre les adultes et les enfants ? Alors, une séance, bah, c'est comme toutes les séances de sport, hein, y a un échauffement, le contenu du cours, et ensuite un petit retour au calme pour redescendre, parce qu'on est sur du cardio. Forcément, les adultes et les enfants, il va y avoir une différence au niveau du contenu. Le contenu des adultes va être plus rythmé, le rythme va être plus intense. Les musiques vont être différentes, c'est des musiques d'adultes, forcément. Et puis l'intensité aussi, elle va être plus importante. Et la complexité des pas aussi, des pas un peu plus compliqués. Et puis, la pédagogie va être différente, en revanche, ça c'est sûr. Il y a beaucoup moins d'explications des pas chez les adultes que chez les enfants. Chez les enfants, je prends vraiment un vrai temps pour expliquer. Sinon, l'énergie est la même. Et d'ailleurs, à partir de quel âge on peut inscrire son enfant à la Zumba ? Ici, à la passerelle, c'est 6 ans. Okay. Mais j'ai déjà fait des cours 3-4 ans. D'ailleurs, on a une petite ici à la passerelle qui a 4 ans et qui se débrouille très très bien. En même temps, musique et danse, c'est des ingrédients qui fonctionnent bien avec les tout-petits. Exactement, ouais, ils s'amusent. Et puis, comme il n'y a pas d'exigence de technique, l'important, c'est qu'ils bougent et qu'ils s'amusent. Moi, là, l'objectif est atteint. Alors donc, quand on arrive à sa séance de Zumba, j'imagine qu'on commence par peut-être des étirements, de l'échauffement. Comment ça se passe ? Direct, on met la musique. Et l'échauffement, en fait, c'est une choré moins intense, d'accord, avec un rythme moins rapide. Mm-hmm. Il est comme ça, l'échauffement, en fait. Ça va assez vite. Ça ne veut pas dire qu'on y va direct, hein. On fait quand même un petit échauffement articulaire. Mais comme en danse, hein. En danse, on fait un petit échauffement articulaire, parfois moins sympa. Du coup, l'échauffement en danse, il n'est pas toujours en musique, il n'est pas toujours très festif, en fait. Il est plus technique. Nous, il n'y a pas de technique. On rentre directement dans l'amusement dès l'échauffement. Et après, c'est parti pour une séance qui dure combien de temps ? Alors, un cours dure une heure. La séance en elle-même, elle dure 50 minutes. C'est quoi les bienfaits que développe la pratique de la Zumba ? Ça doit être assez large, j'imagine. Ouais, c'est très large. Forcément, comme tous les sports, parce que c'est un sport, ça améliore la santé de façon générale. Forcément, la forme physique, il y a du renfort, hein. On peut avoir des courbatures au niveau des cuisses, au niveau des bras, au niveau des épaules. On améliore le côté cardio et le côté endurance. Ça, c'est pour le côté vraiment physique. Après, au niveau psychologique, sans employer des termes trop pointus. En termes de bien-être. Voilà, en termes de bien-être. C'est pour ça que je dis que je suis animatrice sportive et bien-être. En fait, à travers le mouvement, on maîtrise son corps. Et le fait de maîtriser son corps, ça apporte de la confiance en soi. Et plus que ça, quand on observe ses progrès au fur et à mesure de l'année, quand on se voit plus capable, eh bien, ça augmente l'estime de soi. En fait, on a une meilleure estime de soi. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Après, eh bien, ça, c'est du côté, comme j'ai dit, psychologique. Et sinon, les bienfaits, c'est d'être un groupe uni par le côté festif, par le côté on s'amuse, on fait du sport, on a le même objectif de s'amuser en bougeant. Et ça, c'est un partage d'énergie. Il y a une dimension de lien social, finalement. Oui, alors là, je fais la distinction. Pour moi, le lien social, il est dans le fait d'aller faire une activité extérieure, de sortir de chez soi et de rencontrer du monde. Donc, pour le coup, une activité collective. Oui, complètement. C'est ça. C'est une activité collective, mais ça pourrait être n'importe quelle activité, au final, qui fait sortir de chez soi, qui fait rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés dans un autre contexte. Et oui, là, il y a la vraie dimension sociale où on rencontre des gens. Mais dans la Zumba, il y a la dimension en plus de l'énergie. On partage de l'énergie positive et vraiment, ça se ressent. On se montre tous, en fait, sous son meilleur jour. On a tous l'air très sympathiques. C'est chouette, c'est cool. Alors Valérie, est-ce qu'il y a des parents d'enfants participants qui viennent aussi aux ateliers pour adultes ? Alors oui, parce qu'en fait, ici à la passerelle, le mercredi, il y a le cours des enfants. Et j'ai une petite fille, sa mère vient au cours des adultes du vendredi. Et c'est rigolo, quoi. Du coup, je vois la fille et la mère. Par contre, il y a un truc que je trouve vraiment chouette dans toutes mes séances, parce que je ne donne pas des séances que à la passerelle, mais vraiment toutes mes séances, il y a toujours un binôme mère-fille. Ça, je trouve ça vraiment chouette parce que du coup, les mères-filles, souvent, ça partage quoi ? Le shopping, ça partage des activités de filles. Et là, en fait, elles partagent une activité encore plus dynamique. Elles se font du bien toutes les deux et je trouve ça vraiment chouette, quoi. Moi, en tant que maman, j'aurais bien aimé que ma fille m'accompagne. C'est forcément des beaux moments de complicité. Alors, qu'est-ce que c'est la recette d'une séance de Zumba réussie ? Est-ce que c'est quand les ateliers sont pleins ? Est-ce que c'est quand il y a une bonne ambiance ? Qu'est-ce qui prime ? Ah, qu'est-ce qui prime ? Alors, ce qui prime, ça va être le fait qu'à la fin de la séance, tout le monde a un grand sourire et a bien transpiré. Là, même s'ils sont que 5, l'objectif, il est atteint. Mais forcément, plus on est nombreux, plus il y a l'effet de liesse qui fait que l'énergie, elle monte, la sauce, elle monte et c'est plus sympa. Surtout qu'à la Zumba, on crie parfois. Je fais crier « Wouh !» ou « Yeah !» Et forcément, plus les gens jouent le jeu, plus ils se lâchent, plus l'énergie est là et plus l'intensité monte. Et voilà, la séance est plus folle. Alors justement, on parle d'ambiance et ce qui fait le pilier également de cette activité, la Zumba, c'est évidemment la musique. Est-ce qu'on est sur de la dance, du hip-hop, des mix ? Qu'est-ce qu'elle utilise, Valérie, pour ambiancer ses séances de Zumba ? Alors, la musique, c'est mon outil principal. Moi, je mets de la pop, du reggaeton, de la salsa, du merengue et je mets aussi de l'afro. Donc, il y en a pour tous les goûts. Et puis, faut varier, on ne fait pas toujours les mêmes pas. Donc, en effet, des fois, il y a des petits pas de hip-hop. Les pas de salsa, on va souvent retrouver un petit peu les mêmes. Sauf qu'en fait, il y a des petits breaks dans lesquels on va mettre des petits pas un peu différents. C'est varié, c'est très varié. Donc, c'est important de le rappeler, puisque effectivement, chacun peut y retrouver son style musical pour pouvoir se dépenser en musique. Créateur. Moi quand tu vas là, yeah, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Alors si j'ai posé du que mon bar a payé, je dois profiter. Oh. On ne vit qu'une seule fois dans la vie. Hey, hey, laissez-moi profiter, oh, profiter, oh, profiter. Oh, yeah. Je dois manger la vie. Alors, de vous à moi, Valérie, puisque on est toutes les deux entre quatre yeux, qui est-ce qui bouge le mieux ? Est-ce que c'est les enfants ? Est-ce que c'est les adultes ? Ça, c'est une question difficile. Parce qu'en fait, eh bien, il n'y a pas de réponse. En fait, dans le public, il y a différents types de personnes, que ce soit les enfants ou les adultes. Il y a la personnalité de chacun qui rentre en jeu. Il y a ceux qui viennent pour s'amuser. Donc, c'est plus le côté festif, le côté danse. Eux, du coup, techniquement, peuvent être forts s'ils ont fait de la danse avant. Ceux qui n'ont pas fait de danse, peut-être bougent moins bien. Et chez les enfants, c'est pareil. Il y a certains enfants qui ont des facilités pour danser. Voilà. En fait, pour bien bouger, il faut aller chercher le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, il n'est pas évident à aller chercher, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Une fois que les gens ont trouvé ce petit lâcher-prise, ils arrivent à mieux bouger. Et forcément, chez les enfants, en début d'année, c'est un petit peu dur parce que moi, je suis une adulte. Ils sont dans le cadre un petit peu scolaire, adulte. Il faut être sage. Donc, en fait, moi, je leur apprends à pas être trop sage. Voilà. Et qui sont les plus sérieux lors des cours, les plus assidus, les plus sérieux ? Les plus sérieux, justement, je vais les titiller pour qu'ils aillent chercher ce lâcher prise pour être moins sérieux. Ça fait partie de la personnalité. Il y en a aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Il y a des gens qui sont sérieux, ils ont du mal à se lâcher. C'est comme ça, hein, c'est leur personnalité. C'est pas pour ça qu'ils s'amusent pas. Bien sûr. Des fois, ça ne se voit pas forcément. Ils sont moins exubérants, voilà. Mais c'est pas pour ça qu'ils s'amusent pas, oui. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses, Valérie. Alors, vous allez pouvoir nous dire quand est-ce qu'ont lieu les séances et comment on fait pour vous rejoindre, s'il est encore temps. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? Toute l'année, vous pouvez venir faire un essai. Les enfants, c'est le mercredi à 16h30, donc ça dure une heure. Et les adultes, c'est le vendredi à 18h, ça dure une heure et demie. Mais on ne fait pas une heure et demie intense. Voilà. Ok, on s'adresse à Andrea ? Eh oui, il faut venir au bureau. Le bureau du centre socio-culturel, la passerelle, il est juste en face des salles de Léo Lagrange. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Alors Valérie, une dernière petite sollicitation de ma part. Est-ce que vous auriez un mot pour les auditeurs de Radioactive pour leur dire pourquoi il faut venir faire de la Zumba à la passerelle ? Un mot ? J'en ai plusieurs. faire le plein d'énergie, faire du sport en s'amusant. Voilà, je m'arrête là. C'est pas mal. C'est parfait. Merci beaucoup Valérie Duval. Merci à vous. Bonjour, je suis Elsa Maupeu, je donne des cours de théâtre au centre social La Passerelle à Montlouis-sur-Loire. Alors, vous avez un parcours qui est assez atypique. J'ai envie de dire, vous êtes polycasquette culturelle, Elsa. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos différentes casquettes ? Tout à fait. Donc, en effet, à La Passerelle, je donne des cours de théâtre aux enfants, donc aux primaires, de 6 à 10 ans à peu près, du CP au CM2, puis après aux collégiens et parfois lycéens, aux adolescents. Donc ça, c'est depuis maintenant 14 ans. Donc ça, c'est une partie de mon activité professionnelle. Et une autre partie, c'est d'accompagner les équipes artistiques de la région centre, notamment des compagnies de théâtre, théâtre de rue, à développer leurs projets, leurs créations, à développer leurs compagnies et à faire en sorte que les spectacles soient vus par un maximum de personnes. Alors, de votre point de vue professionnel, puisque vous baignez dedans à l'année, hein, c'est votre activité quotidienne, vous avez l'impression qu'il y a encore une méconnaissance des lieux culturels en Touraine, de la part du large public ? Alors, en effet, il y a les grands lieux qui sont vraiment identifiés, comme le Grand Opéra, les CDN, des choses comme ça, où c'est vraiment des bâtiments. Mais c'est vrai qu'on a une richesse sur le territoire. On a beaucoup de lieux un peu atypiques, tels que la Charpente à Amboise, on a la Touline à Azé-sur-Cher, on a l'espace Ligeria, des espaces municipaux. Et en effet, on pourrait croire que la population tourangelle connaît tous ces lieux, mais pas du tout, pas forcément. Donc c'est aussi une de mes missions que je me donne, c'est qu'avec les enfants, je leur fasse peut-être découvrir aussi ces lieux-là. Ils peuvent être comédiens sur ces scènes, mais aussi voir du spectacle dans ces lieux. Alors justement, vous, votre mission, votre cheval de bataille, c'est justement de faire en sorte que le théâtre soit accessible à tous. Vous proposez donc des ateliers pour les enfants, notamment, pas que, hein, aussi pour les ados, on en parlera également. Mais à partir de quel âge un enfant peut commencer à faire du théâtre ? J'ai commencé à donner des cours pour des enfants à partir de 4 ans, on va dire, on est plutôt dans l'éveil corporel. Voilà, on peut se baser sur un petit peu d'écrit, mais vraiment c'est plutôt dans le corps, dans le rapport à l'autre, parce que le théâtre c'est l'art aussi du collectif, du lien à l'autre, donc on peut travailler ça. Et puis ce qui est intéressant à partir du CP, c'est que là ils commencent à lire, donc là on peut commencer à proposer des textes. Moi j'aime beaucoup travailler à partir de textes d'auteurs-autrices qui écrivent du théâtre jeunesse, puisque c'est l'une des spécificités qu'on a en France, c'est qu'on a beaucoup beaucoup d'auteurs et d'autrices qui écrivent pour le théâtre contemporain jeunesse. Et on a des maisons d'édition, et ça c'est une spécificité française, c'est-à-dire que ça n'existe nulle part ailleurs. Donc on a beaucoup de maisons d'édition, et donc je pars aussi de ces écritures, et c'est vrai que ça permet aux enfants d'avoir, d'apprendre des fois à lire. En fait ils ne se rendent pas compte, mais ils continuent leur apprentissage de la lecture, ils découvrent d'autres mots, d'autres manières aussi d'écrire, mais ça ils ne s'en rendent pas forcément compte, puisque c'est sous couvert de l'outil théâtre, ou c'est ludique. Et voilà, c'est faire découvrir ses écritures et de montrer que le théâtre aussi, ça se lit, ça se joue, ça se lit, et ça peut amener à plein d'autres choses. Donc voilà. Donc CP, c'est 6 ans à peu près, c'est l'âge idéal ? Oui, ça dépend après des enfants, mais oui, à La Passerelle, c'est à partir de, en effet, CP. Alors il y en a, ils sont un peu plus jeunes hein, que 6 ans, mais oui, tout à fait. Ah bah d'où les fois où on peut dire aux enfants, arrête de faire ta comédie, est-ce qu'on peut parler de théâtre à ce moment-là ? Je ne sais pas. C'est différent, c'est vrai que souvent on mélange un peu le fait de l'enfant voilà, qui fait le clown, qui a envie d'être sur scène, mais vraiment le théâtre pour moi c'est un art du collectif, c'est un art de l'écoute des autres. On met pas en valeur qu'un enfant, c'est un enfant dans un groupe, c'est le respect des autres, c'est aussi tout ça en fait, cet apprentissage. Donc ça c'est important aussi, c'est vraiment c'est le lien, c'est le soutien, la solidarité, c'est tout ça aussi qu'on apprend. C'est pas que mettre en valeur un individu, c'est un groupement, et ce qui est intéressant c'est l'intelligence collective qui surgit aussi de tout ça. Qu'est-ce que la pratique du théâtre développe chez les enfants et puis aussi chez les ados, puisque Elsa, vous avez différents types de publics, les petits et les ados. Qu'est-ce que ça leur apporte à chacun ? Alors, ce que je pense ça peut leur apporter, en effet, c'est d'apprendre à découvrir d'autres écritures, donc à aussi une autre manière de parler de notre langue, de voir aussi la langue écrite, de voir aussi comment elle peut être dite. Mais également, ce que j'essaye de pousser, c'est aussi qu'il soit force de proposition. C'est-à-dire que je n'apporte pas toujours, c'est pas toujours à moi d'apporter les choses. J'essaye aussi qu'il y ait des choses qui viennent d'eux. C'est-à-dire que ils développent aussi leur imaginaire, d'essayer de vraiment pousser à ça et de structurer cet imaginaire, puisque c'est ça qui est intéressant, c'est cet endroit où ils peuvent aussi faire des propositions et qu'après on peut recentrer avec vraiment un cadre, mais j'aime aussi beaucoup quand il y a des éléments qui viennent d'eux, et notamment alors c'est plutôt avec les adolescents que je fais ça, mais j'essaie de mélanger des propositions écrites, de textes, et aussi parfois que ce soit eux qui écrivent, qu'eux qui fassent une proposition, et que cette proposition elle fasse partie intégrante de la représentation finale. Voilà, c'est aussi une satisfaction aussi d'avoir dit en fait j'ai pu écrire ça, j'ai pu faire ça, j'ai travaillé, j'ai organisé ma pensée, c'est vraiment un outil où on peut mettre en place pas mal de choses sous toujours un couvert un peu ludique, et voilà, c'est une autre manière aussi de travailler le texte, la langue et l'imaginaire. Mmh. Alors rassurez-nous, Elsa, est-ce que l'imaginaire des petites filles n'est fait que de licornes et des petits garçons de dinosaures, ou est-ce qu'on a un petit peu autre chose dans les séances de théâtre ? Ah oui, non, c'est vrai que je ne suis pas du tout genrée là-dessus, donc puis je vois que les enfants, je les laisse totalement libres d'aller là où ils veulent, et c'est assez intéressant. On voit en fait les enfants qui ont déjà un imaginaire plus important que d'autres. Vous voyez, quand ça lit à la maison, par exemple. Ça se voit totalement. Ah, on le voit, les enfants qui lisent beaucoup, qui sont moins face aux écrans, ont un imaginaire très, très foisonnant. Là où, pour d'autres, où on sent qu'il y a vraiment... c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est là où on voit, finalement, ça se travaille aussi. C'est pas du tout... On pense que c'est inné, mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut acquérir. Il faut travailler, et on le sent. Et c'est vrai que depuis quelques années, je vois quand même des enfants... il faut vraiment les aider, les accompagner, parce que les écrans abîment, mine de rien, remplacent en fait leur propre imaginaire. Finalement, ils proposent ce qu'ils ont vu. Donc c'est intéressant en fait aussi, ça donne aussi un regard un peu sur l'évolution des enfants. Mmh. Mais oui, ça se voit totalement, ouais. Alors tout à l'heure, on a pu échanger avec Valérie qui, elle, propose une autre discipline totalement différente qui est la Zumba et qui expliquait que cette pratique-là pouvait développer la confiance en soi. Est-ce que c'est le cas aussi avec le théâtre ? Ah bah oui, tout à fait. C'est la confiance en soi, c'est aussi respecter le corps de l'autre, mais qu'on respecte aussi son propre corps. Enfin, vraiment, c'est toutes ces questions-là, bien sûr, qu'on travaille, en effet. Accepter la parole de l'autre, à accepter aussi sa propre parole, sa place, hein, bien sûr, c'est tout ce travail-là qu'on fait. C'est là où c'est intéressant. Ne pas se juger aussi, c'est vrai que quelque chose qui revient souvent, c'est de dire, on est là pour tester des choses. Il y a le principe de répétition, donc on fait des erreurs, et c'est pas grave, en fait, c'est la vie. on répète pour après être content de soi. Donc oui, c'est vraiment ça que je leur répète régulièrement, que rien n'est grave et qu'en tout cas, on a le droit de se tromper. Et vraiment aussi d'avoir le respect, que les groupes soient plutôt bienveillants entre eux. Mais généralement, c'est vrai que j'ai la chance, j'ai toujours eu des bons groupes et beaucoup de respect entre eux. Donc c'est assez chouette, en fait, c'est ça. Ma satisfaction, c'est qu'après, ça devient aussi un groupe et ils s'apprécient, ils deviennent... il y a quelque chose qui se crée au-delà du cours, et ça, c'est aussi la satisfaction que je peux avoir. On va marquer une petite pause en musique, Elsa. On se retrouve tout de suite après pour continuer à parler des ateliers théâtre enfant, cinéma, théâtre ado que vous proposez au Centre socioculturel de la Passerelle à Mont-Louis. Et avec Jekyll Wood, allez, puisqu'on a eu l'occasion de le rencontrer dans cette même pièce où l'on se trouve aujourd'hui au Centre socioculturel. Donc c'est parti avec Jekyll Wood. Thank you. and truly know my desires for sure. I belong to the great equation. If I give up all that, am I ready to be wise and realize? De retour sur l'antenne de Radioactive, nous sommes aujourd'hui en visite au centre socioculturel de la Passerelle à Montlouis, où nous avons été accueillis par Andrea Samuele. Andrea qui est référente des ateliers socioculturels et qui nous a permis de rencontrer dans un premier temps Valérie, qui propose des ateliers de Zumba. Et nous sommes à présent en compagnie d'Elsa Maupeu, qui est la professeure de théâtre pour les enfants et cinéma-théâtre pour les ados. Alors justement, parlons-en du cinéma. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Elsa, de combiner théâtre et cinéma pour les ados ? Bah déjà, c'était un petit challenge, parce que des fois, j'avais envie de faire évoluer le cours. Et ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, comme je parle beaucoup, on va dire, de l'objet livre, bah, on se rend compte d'un livre, en fait, souvent, ça va en théâtre, mais après, ça va au cinéma, ça va... Et c'est montrer vraiment ces différents médiums. Et j'avais également, surtout que les adolescents, c'est ça qui est intéressant, comme ils ont un regard un peu, peut-être sur certains films ou autres, c'était aussi leur donner un peu une culture cinématographique en regard aussi avec des textes de théâtre ou des textes littéraires. Donc voilà, c'était aussi ça, c'était croiser et travailler, puis hybrider, montrer qu'il y a plein de choses possibles, c'est ça aussi, c'est qu'on peut inventer des formes. J'avais déjà fait aussi ce travail-là dans un collège il y a quelques années, et j'avais trouvé ça très intéressant. On prenait des scènes de films et on les mettait en théâtre. Mm-hmm. Et je trouvais que ça apportait énormément aux enfants, parce que les films, en fait, avaient des sujets très intéressants. Et comment on traduit ça en théâtre, vu qu'il y a un autre médium et on est face à deux publics, c'est pas pareil. Mmh. Mais voilà, ça pousse à se dire, mais qu'est-ce qu'on a envie de dire ou pas dire, comment on le dit. Donc voilà, je propose ça depuis quelques années et je me rends compte que finalement, dans les films que je propose, où j'avais l'impression d'être dans une culture plutôt générale, il y a un changement aussi de rapport au cinéma. Il y a la culture cinématographique, donc c'est intéressant aussi. J'essaye aussi de faire des références à, on va dire, des œuvres ou des films un petit peu de classiques dans le sens. Voilà, c'est un peu des références, ou en tout cas, ça donne un petit peu une base d'une culture générale. Donc c'est toujours intéressant de voir aussi qu'il y a aussi une évolution et qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc il y a aussi une découverte aussi à cet endroit-là. Comment ça se déroule un atelier ? Alors prenons un atelier avec les petits. Comment ça se passe ? Les enfants arrivent, qu'est-ce qui se passe ? Alors, au début de l'année, comme ils ne se connaissent pas trop, en fait, je leur fais faire plein d'exercices pour que je vois déjà quel groupe c'est. Parce que voilà, il faut comprendre aussi l'énergie du groupe. Et voilà, qu'ils s'apprivoisent les uns les autres, qu'ils fassent des choses ensemble. Ensuite, petit à petit, à un moment donné, voilà, ils font des petits échauffements et après, j'apporte un texte et là, ils commencent à travailler des scènes. Et à partir là, de janvier-février, là, voilà, j'ai commencé à apporter un texte qu'ils vont jouer jusqu'à la fin de l'année. Donc toujours, je mixe avec quelques petits jeux avant et après, on commence à travailler les scènes pour qu'ils soient prêts en fin d'année à montrer le travail fait. Il est encore temps de rejoindre le groupe, puisque là, nous sommes en début d'année et vous allez passer au texte. Mais il est encore temps pour des parents d'inscrire leurs enfants à l'atelier théâtre pour les enfants. Tout à fait. Pour le groupe des primaires, il reste encore des places. Donc s'il y a des enfants qui ont envie et qui n'ont pas pu s'inscrire avant, ils seront bien sûr les bienvenus. Il y a un aboutissement à tout ça, j'imagine qu'il y a un spectacle en fin d'année, une présentation publique. Toujours, parce que le théâtre, en fait, on fait ça pour à un moment donné faire une restitution. Donc généralement, pour les primaires, j'essaye d'aller dans le lieu, donc la Touline, à Zé-sur-Cher. C'est une petite salle, un petit théâtre de 50 places. Donc voilà, ils ont le temps de la répétition. Ils ont une vraie scène avec des lumières, avec la musique, et voilà. Et après, on accueille les parents pour cette restitution. Et pour les adolescents, parfois c'est la Touline et parfois c'est dans d'autres lieux, parce que justement, comme on est sur une forêt hybride, parfois j'ai fait ça à la médiathèque, à Algeria, dans l'espace public. Je varie un petit peu les formes et les lieux de restitution. Voilà, l'idée c'est d'inventer un petit peu, voilà, montrer aussi, finalement c'est un outil qui amène à pas mal de choses. Et c'est vrai que je travaille aussi avec un autre collègue, avec les adolescents, qui travaille beaucoup plus sur l'aspect cinéma et l'aspect théâtre de rue, donc vraiment la proximité du public, là où on n'a plus le rapport scène-salle, vraiment, parce qu'on fait beaucoup de déambulation, et là on est vraiment sur un rapport assez proche. Donc c'est une autre manière aussi, voilà, d'appréhender, parce qu'il y a plein de formes de théâtre aussi, Donc, j'essaie aussi de faire découvrir, via ces restitutions, d'autres espaces de jeu, de représentation. Sans compter la valorisation pour tous ces enfants qui, du coup, peuvent se produire devant leur famille, leurs parents, leurs proches, et votre fierté à vous d'avoir pu préparer, j'imagine, un beau spectacle avec eux. Alors, elles ont lieu quand, les séances? On a bien compris que pour vous rejoindre, on s'adressait à Andrea, on appelait la passerelle, on lui envoie un mail, on la contacte, on vient la voir, il n'y a pas de souci, mais c'est à quel moment? Donc moi, mes cours depuis plusieurs années, c'est le mardi soir, donc pour les petits, c'est de 17 à 18h, et pour les ados, c'est 18h à 19h30, tous les mardis soirs. Eh bien, c'est parfait. Elsa, j'aurais une dernière question. C'est un petit mot pour les auditeurs de Radioactive. Pourquoi faut-il venir faire du théâtre à la passerelle, ou pourquoi faut-il inscrire ses enfants à l'atelier théâtre? Pourquoi? Si vos enfants ont beaucoup d'imagination, ont envie de rencontrer d'autres enfants, d'autres écoles, découvrir d'autres camarades, et puis découvrir des écritures contemporaines, du théâtre, ils peuvent venir à la passerelle, découvrir un petit peu, vivre lors d'une heure ou une heure et demie d'atelier, dans un autre temps, dans un autre lieu, et d'avoir aussi, de se faire d'autres camarades, parce que c'est important, c'est un lieu aussi de camaraderie et d'échange entre eux. Voilà, tout simplement. Ce sont de très bons arguments. Merci beaucoup, Elsa. Merci à vous.